Chapitre 15e. Apparition de Guillaume. Rempli d'effroi, plongé dans une morne stupeur, la jeune fille s'éloigna de la couche funèbre de Valentin. Elle se rendit chez son père en se demandant si l'influence du viguier suffirait pour faire revenir le seigneur de Brion de ses fatales préventions sur du Puget. L'appartement de Glandevesse était désert. Le cœur oppressé, la tête alourdie et penchée sur son sein, elle se laissa tomber sur un siège, semblable à ces belles fleurs qui, battues par le vent de l'orage, inclinent tristement vers la terre leurs corolles flétries et mutilées. Quelques larmes déjà commençaient à glisser brûlantes sous ses longues paupières, quand, tremblant d'émotion, elle se relève éperdue et jette toute son âme dans un cri. Devant elle, tel qu'un spectre échappé de la tombe, était Guillaume, pâle, l'œil hagard, les vêtements en désordre. Il s'arrête, défaillant. Je vous retrouve enfin, Méliane. Oh, que de fois sur l'humide paille de mon cachot j'ai craint d'expirer avant de vous avoir adressé mon suprême adieu. Pour parvenir jusqu'à vous, madame, j'ai fui. Que m'importe l'honneur et la gloire? Il n'y a plus pour moi que votre amour ou la mort. Je vais mourir. Laissez-moi vous consacrer les courts instants qui me restent encore. À cette voix aimée, Améliane, qui d'abord n'avait cru contempler que le fantôme du chevalier, retrouve le mouvement et la vie. « Guillaume, murmure-t-elle, que parlez-vous de mourir? Ma vie n'est-elle pas attachée à la vôtre ?» Ces paroles passèrent sur le cœur frémissant du gentilhomme comme la brise du soir sur les branches flexibles du sol. « Serait-ce vrai ? » dit-il. « Le ciel qui m'a tout ravi m'aurait gardé l'amour d'Améliane ?»« Oui, reprit la jeune fille, il vous appartient. Mais hâtez-vous, messire, hâtez-vous, le temps presse. N'entendez-vous pas le canon qui gronde? C'est le signal de la dernière attaque, elle sera décisive. Volez sur les murailles, mes vœux ardents vous suivront partout. » « Les murailles? Le siège ? » murmure Guillaume avec effroi, rendu au sentiment de la réalité. « Oh, Améliane, quel gouffre! J'avais oublié qu'un abîme me séparait de vous. C'est vrai, mon Dieu, mon Dieu !» disait-il en se frappant le front. « Le siège! Mais qui donc a triomphé jusqu'ici » demanda-t-il. « De Mantoue, » répondit la jeune fille avec une terreur concentrée. « De Mantoue, toujours de Mantoue !» répéta du Puget d'une voix sourde. « Lui, le génie du mal qui s'attache à mes pas, qui s'acharne à ma perte, m'enlèverait mon Améliane ?» Pendant quelques instants, le malheureux gentilhomme demeura foudroyé, anéanti. La fille du viguier l'observait avec angoisse. « Messire, dit-elle de sa douce voix, je vous répète qu'il en est temps encore. Dieu m'est témoin que je donnerais mille fois ma vie pour sauver la vôtre. Et cependant, ajouta-t-elle en joignant les mains, je vous en supplie, courez au combat. » Le chevalier, comme s'il eût été réveillé en sursaut, bondit vers la porte, puis, s'arrêtant, incertain, il revint lentement vers elle, triste, le regard terne. « Madame, dit-il à Améliane inquiète, c'est impossible. » La jeune fille, en voyant s'envoler sa plus chère espérance, sentit une sueur froide mouiller ses tempes. « Alors, dit-elle atterrée, je suis perdue pour vous, monseigneur. » Guillaume se rapprocha et fixant sur elle ses regards si profondément tristes, si remplis d'amour. « Améliane, dit-il d'une voix tremblante. « C'est vrai, vous étiez la seule joie de ma vie, la seule étoile qui brillait dans mon sombre avenir, et cependant, je le sens, à l'heure qu'il est, oui, vous êtes perdu pour moi. Mais en vain, le ciel et les hommes unissent leurs efforts pour vous enlever à mon amour. J'espère encore, Améliane. Oh, dites que vous ne voulez pas d'amour rompre le seul lien qui m'attache à la terre, que vous ne voulez pas achever de briser ce cœur que l'injustice a flétri. » Améliane restait muette. Le jeune homme prit ses mains dans les siennes, et comme le naufragé qui se cramponne aux débris du vaisseau devenu le jouet des vagues, Guillaume s'attache à son dernier espoir. « Pitié » s'écrie-t-il. « Oh, pitié, Améliane, sauvez-moi. Je ne veux pas mourir encore. La vie serait si belle près de vous. »« Que faut-il faire ?» murmura la fille du viguier d'une voix mourante. « Fuir !» dit Guillaume, tremblant. La jeune fille arracha ses mains des mains du gentilhomme. Pâle d'indignation, elle releva fièrement le front, jeta sur du Puget un froid regard de mépris et belle d'orgueil. « Jamais » dit-elle d'un ton de reine. Le chevalier, comme s'il eût été frappé de la foudre, demeura les bras tendus, les lèvres agitées d'un tremblement convulsif. Il se remit néanmoins et avec un sourire plus triste que les larmes, plus horrible que le désespoir. « Voilà tout votre amour, madame, » dit-il lentement. « Adieu, épouse de Charles de Mantoue, je vous rends votre foi. Maintenant, je cours au combat. Je vais mourir en vous bénissant. » Mais en ce moment, telle qu'une plante privée de sève qui se dessèche et meurt aussitôt, le gentilhomme sentit une pâleur livide couvrir ses nobles traits. Un sang noir parut sur son pourpoint, il s'appuya mourant. Aux accents de ses douleurs si vraies, à ce lugubre adieu, à la vue du sang de Guillaume, Emilienne sentit son amour surgir dans son âme plus ardent que jamais. Un cri d'angoisse s'échappe de son sein, elle s'élance pour le soutenir, le chevalier s'affaisse à demi dans ses bras, une sueur glacée ruisselle sur son front, ses yeux se ferment à la lumière. La jeune fille comprit seulement alors que Dupuget était blessé. Dans son désespoir, il venait d'arracher l'appareil de sa blessure. Saisie d'épouvante, Emilienne découvre la poitrine du gentilhomme, et tandis que de ses mains blanches elle essaye de contenir le sang qui coule à flot. « Guillaume, s'écriait-elle, c'est ton Emilienne qui t'appelle. N'entends-tu plus le son de sa voix ?» Le jeune homme demeurait immobile. Une seule fois, il ouvrit les yeux illuminés d'un rayon d'amour infini. Sa main glacée pressa la main d'Emilienne. « Merci, madame, murmura-t-il. Je meurs si heureux. » Tout à coup, des femmes éperdues, tremblantes de frayeur, envahirent l'appartement où se trouvaient Guillaume et Emilienne. « Madame, madame, disaient-elles à travers leurs sanglots, nous sommes perdus. Marseille va tomber au pouvoir de l'ennemi. Une large brèche est ouverte au pied de la tour Saint-Paul. Nos guerriers sont repoussés. Tous leurs efforts sont impuissants. » À cette nouvelle, un sourire étrange et sauvage, presque semblable à celui de l'ange du mal, erre sur les lèvres de la jeune fille. « Ils n'ont pas voulu de son bras vaillant, » pense-t-elle en regardant le chevalier. « Eh bien qu'ils succombent, les insensés, du moins je resterai libre. » Cet instant de cruelle joie dure peu. Elle courbe la tête, la généreuse enfant. Tout ce qu'elle avait chéri jusqu'alors semblait lui échapper. Dupuget était là, mourant. Son père combattait à la brèche, et Marseille, sa belle ville, qu'il avait bercée avec tant d'amour, au doux et monotone murmure de ses vagues, Marseille allait périr. Froide et muette, comme ces blanches statues qui ornent les tombeaux, pendant quelques secondes, elle parut abîmée dans une préoccupation douloureuse. Soudain, elle lève les yeux au ciel. Elle invoque le nom tout-puissant de celle à qui sa mère mourante la confia dans la chapelle sainte. Et divinement inspirée, comme le fut la Vierge de Vaucouleurs, elle sent toute sa terreur disparaître. Du regard, elle cherche sa nourrice, et tandis qu'elle s'efface pour montrer Guillaume, Catherine, « Je te charge de ce gentilhomme. Sauve-le. Tu m'en répondras à mon retour. » Puis, se tournant vers les dames qui l'entouraient, « Suivez-moi, » s'écrie-t-elle d'un ton de suprême autorité. Elle dit et s'élance au dehors. Les dames, d'abord immobiles d'étonnement, puis subjuguées par l'énergie de la jeune fille, s'empressent de voler sur les traces d'Emilienne. Alors seulement, l'infortunée Catherine arrête un regard de haine sur Dupuget inanimé. « Cet homme, dit-elle d'une voix sombre, était l'ennemi de mon fils, et je n'ai pu sauver Valentin. »